aborder quelqu'un pour offrir de l'aide. Going down the list. Est-ce que je peux vous être utile? Avez-vous besoin d'aide? Est-ce que je peux vous aider, madame?